Poésies allemandes, traduite par Gérard de Nerval, lue par Christiane Johann. Goethe, poème 1 à 7. Ma déesse, laquelle doit-on désirer le plus entre toutes les filles du ciel? Je laisse à chacun son opinion, mais je préférerais, moi, cette fille chérie de Dieu, éternellement mobile et toujours nouvelle, l'imagination. Car il l'a doué de tous les caprices joyeux qu'il s'était réservés à lui seul, et la folle déesse fait aussi ses délices. Soit qu'elle aille, couronnée de roses, un sceptre de lys à la main, errer dans les plaines fleuries, commander aux papillons, et comme l'abeille, s'abreuver de rosée dans le calice des fleurs. Soit qu'elle aille, tout échevelée et le regard sombre, s'agiter dans les vents alentour des rochers, puis se montrer aux hommes, teinte des couleurs du matin et du soir, changeante comme les regards de la lune. Remercions tous notre Père du ciel, qui nous donna pour compagne, à nous, pauvres humains, cette belle, cette impérissable amie, car il l'a unie à nous seuls par des nœuds divins, et lui a ordonné d'être notre épouse fidèle dans la joie comme dans la peine, et de nous quitter jamais. Toutes les autres misérables espèces qui habitent cette terre vivante et féconde errent au hasard, cherchant leur nourriture au travers des plaisirs grossiers et des douleurs amères d'une existence bornée et courbée sans cesse sous le joug du besoin. Mais, nous, il nous a accordé sa fille bien-aimée, réjouissons-nous et traitons-la comme une maîtresse chérie, qu'elle occupe la place de la dame de la maison. Et que la sagesse, cette vieille marâtre, se garde bien de l'offenser. Je connais sa sœur aussi, moins jeune, plus posée. Elle est ma paisible amie. Oh, puisse-t-elle ne jamais me quitter avant que ma vie s'éteigne, celle qui fit si longtemps mon bonheur et ma consolation, l'espérance. La noble femme d'Azon Aga, complainte imitée du Morlaq. Qu'aperçoit-on de blanc, là-bas, dans la verte forêt? De la neige ou des cygnes? Si c'était de la neige, elle serait fondue. Des cygnes, ils s'envoleraient. Ce n'est pas de la neige, ce ne sont pas des cygnes. C'est l'éclat des tentes d'Azon Aga. C'est là qu'il est couché, souffrant de ses blessures. Sa mère et sa sœur sont venues le visiter. Une excessive timidité retient sa femme de se montrer à lui. Mais ses blessures vont beaucoup mieux, et il envoie dire ceci à son épouse fidèle. « Ne m'attends plus à ma cour, tu ne m'y verras plus, ni parmi les miens. » Lorsque l'épouse eut reçu ces dures paroles, elle resta interdite et profondément affligée. Voilà qu'elle entendit les pas d'un cheval devant la porte. Elle crut que c'était son époux Azan qui venait, et monta dans sa tour pour s'en précipiter à sa vue. Mais ses deux filles s'élancèrent effrayées sur ses pas, en versant des larmes amères. « Ce n'est point le cheval de notre père Azan, c'est ton frère Pintorovitch qui vient. » Et l'épouse d'Azan court au-devant de son frère, l'entoure de ses bras en gémissant. « Voilà honte, mon frère, où ta sœur est réduite. Il m'a abandonnée, la mère de 5 enfants. » Le frère se tait, il tire de sa poche la lettre de séparation enveloppée de soie rouge qui renvoie l'épouse à sa mère et la laisse libre de se donner à un autre. L'épouse, après avoir connu ce triste message, baise au front ses deux fils, ses deux filles aux joues. Mais, hélas, au moment de quitter son dernier enfant, encore à la mamelle, sa douleur redouble et elle ne peut faire un pas. Le frère, impatient, l'enlève, la met en croupe sur son cheval et se hâte avec cette femme éplorée vers la demeure de ses pères. Peu de temps s'était écoulé, pas encore 7 jours, et c'était bien assez, que déjà plusieurs nobles s'étaient présentés pour consoler notre veuve et la demander en mariage. Et même le puissant cadi dit Moski. Et la femme fit en pleurant cette prière à son frère. « Je t'en conjure par ta vie, ne me donne pas un autre époux, de peur qu'ensuite la vue de mes pauvres enfants ne me brise le cœur. » Le frère ne s'émut point de ces paroles, décidé à la donner au cadi dit Moski. Mais la vertueuse femme le supplia enfin pour toute grâce d'envoyer au cadi un billet qui contenait ces mots. La jeune veuve te salue amicalement et par la présente lettre te supplie avec respect que lorsque tu viendras accompagnée de tes esclaves, tu lui apportes un long voile, afin qu'elle s'en enveloppe en passant devant la maison d'Azan, et qu'elle ne puisse pas y voir ses enfants chéris. » À peine le cadi eut-il lu cet écrit qu'il assembla tous ses esclaves et se prépara à aller au-devant de la veuve avec le voile qu'elle demandait. Il arriva heureusement à la demeure de la princesse, elle en ressortit heureusement avec lui, mais lorsqu'elle passa devant la maison d'Azan, les enfants reconnurent leur mère et l'appelèrent ainsi « Reviens, reviens dans ta maison, viens manger le pain du soir avec tes enfants. » L'épouse d'Azan fut tout émue de ces paroles, elle se tourna vers le prince, « Permets que les esclaves et les chevaux s'arrêtent devant cette porte chérie, afin que je fasse encore quelques dons à mes petits-enfants. » Et ils s'arrêtèrent devant cette porte chérie, et elle fit des dons à ses pauvres enfants. Elle donna aux garçons des bottines brodées en or, aux filles de riches habits, et aux plus petits qui s'agitaient dans son berceau une robe qu'ils mettraient quand ils seraient plus grands. Azan Aga était caché et voyait tout cela, et rappela ses enfants d'une voix émue, « Revenez à moi, mes pauvres petits. Le cœur de votre mère est glacé, il s'est tout à fait fermé et ne sait plus compatir à nos peines. » L'épouse d'Azan entendit cela, elle se précipita à terre toute blême, et la vie abandonna son cœur déchiré lorsqu'elle vit ses enfants fuir devant elle. L'aigle et la colombe. Un jeune aigle avait pris son vol pour chercher sa proie. La flèche d'un chasseur l'atteint et lui coupe le tendon de l'aile droite. Il tombe dans un bois de myrte où, pendant 3 jours, il dévore sa douleur, où, pendant 3 longues nuits, il s'abandonne à la souffrance. Enfin, le baume universel le soulage, le baume de la bienfaisante nature. Il se glisse hors du bois et agite ses ailes. Hélas, c'en est fait, le tendon est coupé. À peine peut-il raser la surface de la terre pour chasser une vile proie. Profondément affligé, il va se poser sur une humble pierre au bord d'un ruisseau. Il lève ses regards vers le chêne, vers le ciel, et puis une larme a mouillé son œil superbe. Voilà que 2 colombes qui folâtraient parmi les myrtes viennent s'abattre près de lui. Elles errent en sautillant sur le sable doré, traversent côte à côte le ruisseau, et leur œil rouge, qui se promène au hasard autour d'elle, se fixe enfin sur l'oiseau affligé. Le mâle, à qui cette vue inspire un intérêt mêlé de curiosité, presse son essor vers le bosquet le plus voisin et regarde l'aigle avec un air de complaisance et d'amitié. « Tu es triste, ami, reprends courage. N'as-tu pas autour de toi tout ce qu'il faut pour un bonheur tranquille? Des rameaux d'or te protègent contre les feux du jour. Tu peux, sur la tendre mousse qui borde le ruisseau, exposer ta poitrine aux rayons du couchant. Tu promèneras tes pas parmi les fleurs couvertes d'une fraîche rosée. Ce bois t'offrira une nourriture délicate et abondante. Ce ruisseau pur apaisera ta soif. Oh, mon ami, le vrai bonheur est dans la modération, et la modération trouve partout ce qu'il lui faut. » « Oh, sage !» s'écria l'aigle en retombant sur lui-même avec une douleur plus sombre. « Oh, sagesse, tu parles bien comme une colombe. » Le chercheur de trésors. Pauvre d'argent, malade de cœur, je traîne ici des jours bien longs. La misère est le plus grand des maux, la richesse le premier des biens. Il faut que je mette fin à mes peines, que je découvre un trésor. Dussé-je pour cela sacrifier mon âme et signer ma perte avec mon sang? Et je me mis à tracer des cercles et des cercles encore. Une flamme magique les parcourut bientôt. Alors je mêlai ensemble des herbes et des ossements, et le mystère fut accompli. Je creusai la terre à la place indiquée par les flammes, sûr d'y rencontrer un vieux trésor. La nuit autour de moi était noire et orageuse, et je vis une lumière de loin. C'était comme une étoile qui s'avançait du bout de l'horizon. Minuit sonna, elle se rapprocha de plus en plus, et je distinguai bientôt que cette clarté éblouissante était produite par une coupe enchantée que portait un bel enfant. Des yeux d'une douceur infinie étincelaient sous sa couronne de fleurs. Il entra dans mon cercle magique, tout resplendissant de l'éclat du vase divin qu'il portait, et m'invita gracieusement à y boire, et je me dis, cet enfant, avec sa boisson merveilleuse, ne peut être l'esprit malin. Bois, me dit-il, bois le désir d'une vie plus pure, et tu comprendras mes avis. Ne reviens plus en ces lieux tourmentés d'une fatale avidité, n'y creuse plus la terre dans une espérance coupable. Travaille le jour, réjouis-toi le soir, passe les semaines dans l'activité, les fêtes dans la joie, et des changements magiques s'opéreront dans ton existence. Consolation dans les larmes. Comment es-tu si triste au milieu de la commune joie? On voit à tes yeux que sûrement tu as pleuré. Si j'ai pleuré, solitaire, c'est d'une douleur qui n'afflige que moi, et les larmes que je verse sont si douces qu'elles me soulagent le cœur. Viens, de joyeux amis t'invitent, viens reposer sur notre sein, et quelque objet que tu aies perdu, daigne nous confier ta perte. Parmi tout votre bruit, tout votre tumulte, vous ne pouvez comprendre ce qui fait mon tourment. Eh bien non, je n'ai rien perdu, quel que soit ce qui me manque. Alors relève-toi, jeune homme, à ton âge, on a des forces et du courage pour acquérir. Oh non, je ne puis l'acquérir. Ce qui me manque est trop loin de moi. C'est quelque chose d'aussi élevé, d'aussi beau que les étoiles du ciel. Les étoiles, on ne peut pas les désirer. On jouit de leur éclat, on les contemple avec ravissement lorsque la nuit est claire. Oui, je contemple le ciel avec ravissement pendant des jours entiers. Oh, laissez-moi pleurer la nuit aussi longtemps que je pourrai pleurer. Le roi des aunes, qui voyage si tard par la nuit et le vent, c'est le père et son fils, petit enfant qu'il serre dans ses bras pour le garantir de l'humidité et le tenir bien chaudement. Mon enfant, qu'as-tu à cacher ton visage avec tant d'inquiétude? Papa, ne vois-tu pas le roi des aulnes? Le roi des aulnes avec sa couronne et sa queue? Rien, mon fils, qu'une ligne de brouillard. Viens, charmant enfant, viens avec moi. À quel beau jeu nous jouerons ensemble. Il y a de bien jolies fleurs sur les bords du ruisseau, et chez ma mère, des habits tout brodés d'or. Mon père, entends-tu ce que le roi des aunes me promet tout bas? Sois tranquille, enfant, sois tranquille, c'est le vent qui murmure parmi les feuilles séchées. Beau petit, viens avec moi, mes filles t'attendent déjà, elles dansent la nuit, mes filles, elles te caresseront, joueront et chanteront avec toi. Mon père, ne vois-tu pas les filles du roi des aunes, là-bas où il fait sombre? Mon fils, je vois ce que tu veux dire, je vois les vieux saules qui sont tout gris. Je t'aime, petit enfant, ta figure me charme, viens avec moi de bonne volonté, ou de force je t'entraîne. Mon père, il me saisit, il m'a blessé, le roi des aunes. Le père frissonne, il précipite sa marche, serre contre lui son fils, qui respire péniblement. Atteint enfin sa demeure, l'enfant était mort dans ses bras. L'élève sorcier. Le vieux maître est enfin sorti, et je prétends que ses génies fassent aussi ma volonté. J'ai bien remarqué les signes et les paroles qu'il emploie, et j'aurai bien la hardiesse de faire comme lui des miracles. Allons, allons, vite à l'ouvrage, que l'eau coule dans ce bassin, et qu'on me l'emplisse jusqu'au bord. Approche donc, vieux balai, prends-moi ces haillons. Depuis longtemps tu es fait au service, et tu te soumettras aisément à devenir mon valet. Tiens-toi debout sur deux jambes, lève la tête, et va vite, va donc, me chercher de l'eau dans ce vase. Allons, allons, vite à l'ouvrage, que l'eau coule dans ce bassin, et qu'on me l'emplisse jusqu'au bord. Tiens, le voilà qui court au rivage. Vraiment, il est au bord de l'eau, et puis il revient accomplir mon ordre avec la vitesse de l'éclair. Une seconde fois, comme le bassin se remplit, comme les vases vont et viennent bien, sans répandre. Attends donc, ta tâche est accomplie. Hélas, mon Dieu, j'ai oublié les paroles magiques. Ah, ce mot, il était à la fin, je crois, mais quel était-il? Le voilà qui revient de nouveau. Cesseras-tu, vieux balai? Toujours de nouvelles eaux qui l'apportent plus vite encore. Hélas, quelle inondation me menace! Non, je ne puis plus y tenir. Il faut que je l'arrête. Ah, l'effroi me gagne. Mais quel geste, quel regard me faut-il employer? Envoyé de l'enfer, veux-tu donc noyer toute la maison? Ne vois-tu pas que l'eau se répand partout, à grands flots? Un imbécile de balai qui ne comprend rien. Mais bâton que tu es, demeure donc en repos. Tu ne veux pas t'arrêter à la fin? Je vais, pour t'apprendre, saisir une hache et te fendre en deux. Voyez-vous qu'il y revient encore? Comme je vais me jeter sur toi et te faire tenir tranquille. Oh, oh, ce vieux bâton se fend en craquant. C'est vraiment bien fait. Le voici en deux. Et maintenant, je puis espérer qu'il me laissera tranquille. Mon Dieu, mon Dieu, les deux morceaux se transforment en valets droits et agiles. Au secours, puissance divine! Comme il court! Salle, escalier, tout est submergé. Quelle inondation! Oh, mon Seigneur et Maître, venez donc à mon aide! Ah, le voilà qui vient! Maître, sauvez-moi du danger! J'ai osé évoquer vos esprits et je ne puis plus les retenir. Balai, balai, à ton coin! Et vous, esprit, n'obéissez désormais qu'au maître habile qui vous fait servir à ses vastes desseins.